Chapitre deuxième. Après avoir conduit Sonia à Roulion à Saint-Lazare, Jérôme Korff était revenu quai des Orfèvres à la Sûreté. Il y fut bientôt rejoint par M. Serpier, à qui il rendit compte de sa mission. « Très bien, » fit le chef de la Sûreté. « Voici un pas de fait. M. Carver, j'en suis persuadé, saura faire parler la fille. C'est un habile juge d'instruction. Mais si la demoiselle à Roulion veut continuer avec lui la comédie qu'elle nous a jouée, croyez-vous qu'elle nous ait vraiment joué la comédie, chef ? J'en suis persuadé. Les femmes sont comédiennes de naissance, et il est tout naturel que la demoiselle Argoulian ait essayé de nous attendrir, et qu'elle ne se soit pas souciée de nous révéler où sont ses pères et fiancés. Nous verrons bien. Monsieur Blanquette dit qu'il a une piste. Il a refusé de s'expliquer davantage. Et il veut, dit-il, conserver sa liberté d'action. Je pense qu'il veut nous rouler, chef. Non. Mais il aimerait bien retrouver à lui seul le ou les assassins de Karl Jacobsen. En tout cas, nous avons maintenant un terrain solide. Si le squelette est véritablement celui d'Otto Drôle, il faudra bien que cet Argoulian s'explique à son sujet. Monsieur Carver va l'inculper d'assassinat. Le squelette va être expertisé. Je vais d'ailleurs voir Monsieur Carver tout de suite. Nous n'avons rien trouvé chez Argoulian. Naturellement, le paroissien a fait place nette. La fille nous renseignera peut-être. Et vous, que comptez-vous faire, Korff ? Allez rue Montpensier, chef, d'abord. Après, je verrai. J'ai des idées. Je regrette seulement que nous ayons perdu de vue Blanquette. Il ne me dit rien de bon, l'anglais. Il doit venir ici demain soir ou après-demain. Lui aussi m'a dit qu'il avait une idée. C'est peut-être la même que la vôtre. Jérôme Korff ne répondit pas. Eh bien, faites pour le mieux, mon ami, et tâchez de vous distinguer. Vous me tiendrez au courant, naturellement. Laissez-moi faire, chef, vous verrez. Sur ces mots, Jérôme Korff, ayant serré la main que lui tendait M. Serpier, se retira. Un taxi, en quelques minutes, le reconduisit chez lui, rue Nollet. Bien que pendant le trajet, se fût assuré qu'il n'était pas suivi, il ne voulut pas laisser à ses ennemis la plus minime chance de le filer. Aussitôt refermée la porte de son appartement, il téléphona au marchand de charbon voisin dont il était le client et lui ordonna d'apporter immédiatement un sac de charbon de bois. « Voilà 20 francs pour vous, lui dit-il, après l'avoir réglé. Seulement, je vous demanderai de rester dans l'escalier pendant quelques minutes. J'ai une ancienne fiancée avec laquelle je n'ai pas voulu me marier. Elle avait un caractère de chien enragé. Ah, vous avez eu de la veine, monsieur Korff, de vous en apercevoir d'avance. Moi, ça n'a été qu'après mon mariage que je... Ah, en tout cas, vous comprenez. Je n'ai rien voulu savoir. Elle m'en veut à mort, et il m'a semblé la voir qui guettait au coin de la rue. C'est une femme capable de tout. Je vais donc m'habiller en charbonnier. Elle a dû vous apercevoir. Lorsque je sortirai, elle croira que c'est vous qui descendez, car je sais me camoufler, et ne se doutera de rien. En 5 minutes après, vous redescendrez à votre tour, comme un homme qui a gagné 20 francs. Elle est bonne. Vous pourrez dire que vous avez de l'astuce, monsieur Korff, fit le charbonnier en fourrant dans sa poche le billet bleu que venait de lui remettre l'inspecteur. Mais vous savez, entre hommes, on doit se soutenir, et ce n'était pas la peine de me donner de l'argent. Je vous remercie quand même. Korff sourit. En peu d'instants, il fut habillé et grimé avec une telle perfection que le charbonnier qui l'attendait dans la cuisine devant un verre de vin ne put retenir des cris d'admiration. Mais vous vous êtes fait ma tête, monsieur Korff. Épatant. Ah! Vous auriez fait un acteur merveilleux. L'inspecteur eut un hochement de tête modeste. Il sortit de l'appartement avec son porteur de charbon qu'il laissa sur le palier, et ayant sur l'épaule le sac vide, descendit lentement l'escalier. La mère Tronchier, sa concierge, grommela à son passage. « Dites donc, le bougnard, vous auriez pu vous essuyer vos pieds en montant. Une autre fois, je ne vous laisserai pas passer. » Korff, très sérieux, grommela une vague excuse et fut dehors. Il constata, ou crut constater, que personne ne le guettait. Il s'éloignait à pas lents, et n'ayant par la rue Legendre gagné l'avenue de Clichy, sauta dans un autobus à destination de l'Odéon. Il descendit à la bourse et se dirigea vers le palais royal. En quelques minutes, il fut devant le petit débit de vin de la rue Montpensier, où la veille il avait vu disparaître Piébald. À travers la vitre embuée, il put constater que la salle du traiteur était vide. Il alla s'installer chez un marchand de vin voisin où il déjeuna. Il était près de 2 heures de l'après-midi. Pendant le reste de la journée, il s'occupa à surveiller le cabaret de la Grappe d'Or, ainsi se nommait le débit où était entré Piébald. Korff guetta également l'issue de la maison, donnant dans la rue de Richelieu. Mais s'il y vit entrer ou sortir plusieurs personnes, du moins ne reconnut-il aucune d'elles. À la tombée de la nuit, il regagna le quai des Orfèvres et changea son déguisement, de charbonnier contre une livrée de chauffeur d'automobile. Épais manteau, casquette plate, gros gants fourrés, il fit subir à son visage une nouvelle transformation et s'en fut rue Montpensier. Le débit, lorsqu'il y pénétra, contenait une demi-douzaine de consommateurs en train de dîner. Cinq étaient des chauffeurs. Le sixième, à en juger par son extérieur, devait être employé dans quelque administration. Korff remarqua que c'était lui le mieux habillé et que c'était lui qui choisissait les plats les moins chers. Le policier s'étant attablé au fond de la salle, presque à toucher la porte de l'arrière-boutique, se fit servir à dîner. Placé comme il était, il entendit facilement tout ce qui se disait dans la cuisine. La salle était des plus ordinaires, des murailles jaunies, ornées de panneaux de carton, vantant l'excellence de différentes marques de liqueurs et d'un règlement, sali, taché et noirci, illisible contre l'ivresse publique. À droite de l'entrée, le comptoir de zinc avec sa petite fontaine et son zanzibar, derrière lequel se tenait le patron. Un gros homme au cou puissant, au front chauve, dont le visage s'agrémentait de deux petits yeux gris, d'un nez semblable, par la forme et la couleur, à une aubergine, et d'une une épaisse moustache jaune. Tout en mangeant le civet de lapin du chat authentique qu'il s'était fait servir, Korff observa ce qui se passait autour de lui. À en juger par leur conversation, les chauffeurs qui l'avoisinaient étaient bien de véritables chauffeurs. Pas de doute à ce sujet. Et l'employé, qui mangeait lentement en lisant le journal, appuyé devant lui à une carafe, était bien un employé. Quant au patron, il s'occupait à supputer dans un journal du soir les pronostics des courses. Son épouse, une petite femme maigre et brune, au regard méfiant, servait l'œil à tout. Korff l'entendit qui morigénait le cuisinier pour avoir servi une portion trop copieuse. Jusque-là, rien de bien sensationnel. Pourtant, il y avait un mystère dans cette maison à double issue. Piébald était entré dans cette boutique et pas dans une autre. Korff ne se hâtait pas. Son repas terminé, il se fit servir un café, une abominable mixture qui n'avait de commun avec le café que la couleur. Comme notre policier avalait péniblement cet infect mélange, un grand gaillard pénétra dans la salle. Il jeta un coup d'œil autour de lui, échangea un regard avec le patron qui y répondit par un clignement et disparut dans l'arrière-boutique. Ce n'était pas un chauffeur. Un ample Macfarlane gris l'enveloppait. Le col en était relevé. Aussi Korff n'avait-il pu voir son visage. Il dut faire appel à tout son sang-froid pour ne pas tressaillir en entendant ces mots prononcés à mi-voix dans la cuisine par la patronne. « Et alors, vous ne savez pas, monsieur Vacariades ? Venez vite que je vous... » Elle dut s'éloigner, passer dans une autre pièce. Korff n'en entendit pas plus, mais ce qu'il avait surpris lui suffisait. Une angoisse le prit. Vacariades allait ressortir. De quel côté? Rue Montpensier ou rue Richelieu? Car il fallait le suivre. Il est entré par la rue Montpensier. Il sortira par l'autre issue, pensa le policier. Et il voulut appeler le patron pour payer son addition, mais au même moment la femme bondit hors de l'arrière-boutique et souffla quelques mots à son mari. Le cabaretier eut un haut-le-corps et aussitôt se précipita au dehors. Il revint peu après, échangea un coup d'œil avec sa femme qui était restée au comptoir et reprit sa place. « Toi, tu es allé chercher un taxi, ou je veux perdre mon nom, » pensa Korff, qui paya et sortit. Pas de voiture dans la rue Montpensier. Elle devait être rue Richelieu. Korff, à pas rapide, fit le tour du pâté de maison et arriva rue Richelieu juste à temps pour voir l'inconnu au Macfarlane s'engouffrer dans un taxi qui, avant même qu'il en eût refermé la portière, démarra et fila à toute allure vers le Louvre. La rue Richelieu, heureusement, était assez encombrée. L'auto, presque aussitôt, dut ralentir. Korff eut la chance d'apercevoir un taxi vide dans lequel il se jeta, après avoir ordonné au chauffeur, avec promesse d'une belle récompense, de suivre la voiture où était Vacariades. Celle-ci, ayant traversé la place du Théâtre français, s'engagea dans la rue de Rivoli qu'elle suivit. Elle s'arrêta un quart d'heure plus tard devant le trottoir du départ de la gare de Lyon. Korff vit l'inconnu payer le chauffeur et pénétrer dans la salle des pas perdus. Il se dirigea vers un guichet. Korff, qui l'avait suivi, l'entendit demander un billet de première classe pour Marseille. Et l'inconnu, son ticket en main, s'élança vers le portillon donnant accès au quai. Au moment où il faisait poinçonner son billet par le contrôleur, Korff lui mit la main sur l'épaule. « Venez, vite, je viens de la part de Piébald. » L'homme tressaillit et se retourna. Korff vit son visage nettement éclairé par un lampadaire voisin. Une physionomie tourmentée, menton et lèvres rasées, grands yeux noirs, nez busqué. « Qu'avez-vous dit ?» chuchota l'inconnu. « Je désirerais vous parler de la part de Piébald, de M. Vacariades, » précisa le policier. « C'est bien, venez au buffet, dépêchons. »« Oh, nous avons le temps. Le rapide de Marseille ne part que dans 18 minutes, » observa Korff. Vacariades ne répondit pas, et aux côtés du policier, alla s'attabler dans la salle du buffet qui se trouve au rez-de-chaussée de la gare. « Vous voudrez bien avant tout me dire qui vous êtes, monsieur ?» fit Vacariades. Korff, d'une main, montra sa carte d'inspecteur de la sûreté, et de l'autre, plaça sur la table un Browning braqué sur son interlocuteur. « Voilà, dit-il, et pas de blague, ou je t'envoie un pruneau dans le ventre, mon garçon. Ne bouge pas, nous allons causer sagement, et il ne dépend que de toi de rester libre ou de coucher au dépôt ce soir. » Vacariades ne broncha pas. « Je suppose, monsieur, dit-il, que vous faites erreur. « Je ne m'appelle pas Vacariades, mes papiers en font foi, et je ne sais qui est ce Cabald ou Grébald dont vous m'avez parlé. Vous me paraissiez surexcité, j'ai eu le tort de vous écouter, et je pense que le plus simple est que nous allions nous expliquer au commissariat de la gare. Je serais désolé de manquer mon train. »